Jacques. Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jacques vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. L'émission qui déjante les oreilles également sur l'antenne avec son lot d'animateurs et d'animatrices préférés. Jack par exemple dans les studios, moi-même. Et puis également pour nous accompagner, la ravissante, hein, aujourd'hui on peut le dire, Léna, pour une émission extraordinaire. Hein. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, toi? Très très bien. Ah, super. Alors le week-end s'est achevé sous le soleil et puis on peut dire que la semaine repart sous le soleil. On peut dire, hein, en arrivant à la radio. En tout cas, ça c'est sûr. Au niveau du sommaire, je crois que le soleil sera présent dans les chroniques également. On m'a parlé de plein de bonnes choses à venir en perspective. Oui, donc tu auras le sondage, ouais. La summer chronique. Donc aujourd'hui, c'est le retour gagnant. Ah. Tu auras le journal de la rédaction, le sein du jour et le canular. Un canular. Voilà. D'accord, et c'est toi qui le fais, on m'a dit. C'est vrai? Ah, je sais pas. Ah, j'étais pas au courant, mais... Un chacun, alors. Un canular chacun, comme ça peut être un petit challenge. Et pour la musique, on va retourner du côté de l'été dernier avec Muttonen, avec Bizarre, c'est important. Thank you. me tenait à Ibiza sur l'antenne. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Oui, vous êtes dans l'été avec le club VIP, avec son lot d'animateurs Jack, moi-même dans les studios, Yelena également. Coucou. C'est une sacrée bonne émission en perspective avec son lot de chroniques. Et il y a également une tradition ici à la radio, c'est le sondage du jour. Oui. Alors en quelques mots, on peut résumer que tu vas voir un peu les tendances sur la plage des individus, des personnes. Oui, des vacanciers comme on les appelle. Voilà, tout simplement. Ou alors tout simplement même des habitants, des locaux. Oui. Des autochtones. Voilà, comme tu le dis si bien. Et là aujourd'hui, est-ce qu'on peut en avoir un petit avant-goût? Non, non, c'est vraiment une surprise. Ah ouais, d'accord. Mais on va attendre ça avec beaucoup d'impatience. On va parler de famille. De famille. Ouais. D'accord. La suite, c'est en musique avec Timbaland, The Way I Are. Vous êtes sur Estival, sur 7-4. Timbaland, The Way I Are sur l'antenne. C'est Estival que vous écoutez sur internet également, station-millenium.com. Tu kiffes les huîtres? Le club VIP t'offre un max de fruits de mer. Sapristi, c'est vrai? Un peu que c'est vrai, champion! 48 huîtres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 huîtres! Et bah ouais, ça fait plaisir de gagner ces 48 huîtres. Vous écoutez le club VIP en compagnie de Léna, de Jack, moi-même. Et nous allons attaquer avec cette chronique bien sympathique qui s'appelle le sondage du jour. Ça commence pareil et on va un petit peu voir les tendances de la plage cet été avec notre experte, une experte en question, une experte en réponse évidemment. Elle a adressé aujourd'hui une question, à vous vacanciers. Et voici vos réponses. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre experte. aujourd'hui, on va savoir qui fait le mieux la cuisine pendant les vacances dans la famille. C'est sympa parce que... Ah, pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a maman. C'est normal, maman fait toujours bien la cuisine, qu'elle soit à la maison ou en vacances, de toute façon elle est parfaite. Il y a papy et mamie, parce que généralement quand on est petit on va chez papy et mamie en vacances et mamie elle nous fait toujours des bons gâteaux, plein de beurre, plein de choses comme ça, plein de bonnes choses. Et en dernier c'est papa. Papa n'est pas très bon, il fait pas si bien la cuisine, à part des nouilles et des patates, c'est tout ce que papa sait faire. Donc en un maman, en deux les grands-parents, en trois papa. Voilà. Et pour la musique, il est pas papa, je crois, c'est Robbie Williams, Millennium, mais peut-être qu'il sait pas faire la cuisine non plus d'ailleurs. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Robbie Williams Millennium sur l'antenne, c'est le club VIP. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Vous êtes au cœur de l'été avec Léna dans les studios. Oui. Nous allons attaquer la suite du programme avec une summer chronique croustillante. Avec le retour gagnant, donc un artiste qui revient au devant de la scène. Même carrément sur le devant d'ailleurs, je me suis laissé entendre dire. C'est vrai. Ouais, complètement sur le devant. Et pour nous expliquer tout ça, on va laisser passer une page musicale. Vas-y. Ça se passe bien en tout cas l'émission, ça va ? Très très bien, j'ai la forme. Ouais, ça se voit en tout cas. C'est sur William, I got it from my mama. Ça va vous remotiver encore plus, c'est une nouveauté. Ladies, ladies, ladies, here we go. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. From her head to her toe, beauty overload, body out of control. She 24, she could be a model. So beautiful, all so natural. Mommy looking good from her head to her feet. She 44, but she still looking sweet. And you can tell her daughter ain't even at a peak, cause her mama looking so hot, packing that heat. So be a good girl and thank your mama. She made you steaming like a sauna. Look out, here she come now. Look out, here she come. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Is a sensation. You send men into temptation. I never knew a girl could shine like a sun. You better thank your mama, cause girl, you the one. We should have a day of celebration. Celebrating God's best creation. Girl, you got a beautiful vibration. Every day should be your birthday, hun. You make the guys all dumb. Maybe cause you're blessed with the beautiful buns. Maybe cause your beauty keep the dudes on sprung. Wondering just where you got that from. Tell me what you get your body from. Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. I got it from my mama. I got it from my mama. I got it from my mama. I got it. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. And if a mama real ugly, I guarantee she gon' be ugly like a mama. And if a mama real ugly, I guarantee she gon' be ugly like a mama. And if the girl real sexy, 9 times out of 10, she sexy like a mama. And if the girl real hot, 9 times out of 10, she hot just like a mama. And if a mama real ugly, I guarantee she gon' be ugly like a mama. And if a mama real ugly, I guarantee she gon' be ugly like a mama. Like a mama. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Baby, what you get? Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et voici venu le temps de la chronique. Précédemment, vous avez eu William Amai, Got It From My Mama. Et voici Léna donc qui va nous expliquer un peu ce que c'est que le retour gagnant. puisque Léna est dans les studios pour vous accompagner tout au long de cet été sur la radio. Ça fait bien plaisir sur 107.4, également sur internet www.station-millennium.com. Oui, donc le retour gagnant, c'est un artiste qui revient au devant de la scène qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. C'est vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est David Guetta. Aujourd'hui, oui, on va revoir David Guetta parce qu'il a sorti un titre pour l'été en fait, hein, très clairement. C'est son retour gagnant. Après une longue absence, vos artistes favoris reviennent en retour gagnant. Retour gagnant. Retour gagnant, c'est un artiste qui revient sur le devant de la scène avec un single. Aujourd'hui, coup de projecteur sur David Guetta. Né en 1967, David fait figure de précurseur de la dance. Il commence son métier de DJ à seulement 17 ans. Le monde de la nuit devient alors son ami. Il collectionnera naturellement les boîtes de nuit. Les Folies Pigalle, le Queen, le Palace, les Bains Douches, le Pink Paradise. Autant d'endroits où l'on pourra apprécier la Guetta Touch. En 2001, il ne lui manque que la reconnaissance du public. Il signe alors Just a Little More Love et là, c'est la gloire. Just a little more love, just a little more peace. Comme poursuivi par le succès, David Guetta enchaîne les tubes à la cadence d'un carton estival tous les ans. David Guetta, qui connaît alors l'amour du public, a choisi l'amour comme thème récurrent puisque ses trois derniers singles sont Love Don't Let Me Go, Summer Love et naturellement le tout dernier Love Is Gone. Now that the love is gone. Tout de suite David Guetta, retour gagnant, Love Is Gone. What are we supposed to do after all that we've been through when everything that felt so right is wrong? Now that the love is gone, love is gone. David Guetta, Love Is Gone, c'est sur l'antenne d'Estival. La suite du programme, c'est avec Léna dans les studios qui va nous en parler plus simplement. Alors, que va-t-il se passer sur la radio? Eh bien, Léna, un petit point pour les auditeurs. D'accord, alors on va retrouver le journal de la rédaction, avec ses news insolites et son programme Caparmore et Destination Bien-être. Ah bah c'est bien ça, ça veut dire qu'on va être informé de ce qui se passe dans le monde. Voilà, et sur Pérouse aussi. Ah ouais, partout alors, vraiment partout, hein. Vous n'échapperez à aucun endroit du monde aujourd'hui. Et puis juste avant, c'est la musique, c'est une production Bob Sinclair. Je ne sais jamais le nom de cette personne, c'est... Comment ? Fireball. Let me see you. Put your hands up. Fireball, Bob Sinclair. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et l'été est là toujours, en pleine forme, hein. Il nous fait des grands sourires l'été. Avec son lot de surprises, son lot d'animatrices. Léna par exemple dans les studios. Oui, ça va très bien et toi? Bien. Alors je me suis laissé entendre dire que la radio vivait à l'heure d'internet, que tu avais décidé de créer un petit précédent à la radio, explique-nous ça. Bah oui, en fait j'ai décidé de créer un messenger pour pouvoir être plus proche de vous, plus proche des web auditeurs et qui puissent en fait communiquer avec nous. D'accord. Donc vraiment mieux que le SMS, mieux que tout. Alors le SMS c'est 0622 69 18 19 et le messenger... Alors c'est radio.estivales@hotmail.fr. Et normalement ce qui est amusant c'est qu'on va voir si tu as des amis ou pas. Voilà. Parce que s'il n'y a personne à la fin de l'émission. Bouh. Ouais. Alors c'est quoi, redonne un peu l'adresse. radio.estivales@hotmail.fr. Waouh. Voilà, donc ça c'est donné. Pour la suite on attaquera le journal de la rédaction d'ici peu avec son lot de surprises. La musique, c'est Black Runners, This Party Started. Et vous écoutez Estival FM, également sur internet, sur www.station-millium.com. Everybody, Et oui, tout à fait, plonger avec nous au cœur de cet été, c'est sur Estival que ça se passe. J'espère que tout se passe bien. En tout cas, nous, on va faire le point sur les news, n'est-ce pas, Léna? Léna qui est dans les studios, qui est dans la partie prépa de l'émission, hein, qui va vous parler également des news locales. C'est bien ça? Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, bah on va voir ça tout de suite. Alors, les news, elles sont complètement bouleversifiantes. Et les insolites, je suis dessus. Je regarde un petit peu, je découvre en même temps. À chaque fois, c'est ça le journal. Voilà, hop, hop, hop, c'est parti. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, je vous donne le sommaire. Les Finlandais au sommet de leur forme. Et champion du monde du craché de bigorneau de père en fils. Normal. Alors, les Finlandais restent imbattables quand il s'agit de sauna. Ils ont raflé tous les titres du championnat du monde de la discipline disputée, il est vrai, chez eux. Alors, le sauna finlandais, je sais pas en quoi ça consiste, tu veux en savoir peut-être plus? Oui, j'aimerais bien. Timo Kokkonen a remporté dimanche le concours homme pour la troisième année consécutive en restant dans un sauna chauffé à 110 degrés Celsius pendant 12 minutes et 26 secondes, soit 3 secondes de mieux que son dauphin, lui aussi finlandais. Donc le but, c'est de rester le plus longtemps possible au chaud. C'était malade. Ouais, sans doute, c'est énorme. Ses autres concurrents étaient russes, américains, allemands et turcs. Chez les femmes, Leyla Kulin a également conservé son titre endurant. Elle est restée 10 minutes et 31 secondes à 112 degrés. Voilà un championnat bien curieux. La suite, champion du monde de crachet de bigorneau de père en fils. Ça se passe à Roscoff quand même. Ah oui, ça se passe chez nous. Hein. Le champion du monde de crachet de bigorneau, Alain Jourdain, a conservé son titre à Mogueriek, près du Roscoff, avec un jet de 10 mètres 21. Tandis que son fils assurait la relève dans la catégorie adolescent, ont indiqué les organisateurs. Donc voilà, une organisation, il est invaincu depuis 2002. La suite, c'est le programme du sport, on peut le dire, on continue avec Léna. Alors, aujourd'hui, vous allez retrouver un tournoi de beach ball de 14h30 à 16h à Trestraou. Vous avez aussi l'acrobranche de 14h à 18h. Pour la soirée, c'est kayak de 17h30 à 19h30. Ce soir, c'est tournoi de foot, comme tous les lundis soirs, donc les moins de 14, c'est de 17h à 20h. Et les plus de 14, c'est de 20h à 23h. Et apparemment, c'est à Yves Le Janou ce soir. Voilà. C'est ça? Alors, oui, tout à fait, c'est à Yves Le Janou. Ok. Pour demain, vous avez pour l'après-midi tournoi de basket de 14h à 16h. Et c'est au quartier Kervoilan. Ensuite, pour la soirée, c'est catamaran de 17h à 19h. Et c'est la soirée badminton mardi. Donc avec l'initiation de 18h à 19h, le tournoi des moins de 14 de 19h à 20h et le tournoi des plus de 14 ans de 20h à 23h. Et tout ça, c'est à Yves Le Janou. pour Destination Bien-être. Alors aujourd'hui, on est lundi 6 août, c'est un petit déjeuner équilibré à Trestinel qui vous attend. Et pour demain, c'est Hello. Donc, quels sont les aliments les plus riches en eau? Mais attention, ça passe bien à la radio en plus, Hello, parce que c'est l'eau. Hello. Hello. Hello. Donc voilà, donc bon cap armoire et bonne destination bien-être. La musique, c'est Balance-toi avec tous les pires. Je m'installe, le rappeur dans les charmes, ça va faire mal. Engagé, j'ai la vibe, le pur style. Le public me réclame et j'assume, gars. Smooth, je m'applique, DJ, balance la sauce comme d'hab. Rimé pour la gloire, je le fais comme d'hab. Laisse glisser, tranquille, c'est open bar. Enfile les verres avant 2 heures d'art. La boule à face, elle brille. Dans les yeux de cette girl qui me fixe, baby. Tu peux m'escorter pour cette nuit, baby. J'ai déjà ma femme pour la vie. Ok, t'as du mal à me suivre, mais qui m'aime me suit. Musical thérapie, Tony Tree. Du Texas à Paris, voulez-vous coucher avec moi? Je vous en prie. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le chill qui fait mal. Toujours au top, mon flow ricoche, rap et mon job stop. Jump et jump et jump up, Tony P All-Star NBA. Oh, baby, arrête un peu tes bornes. Baby, arrête un peu de me mater. Lady, t'es charmante et tu le sais. Mais sache que seule l'ambiance a de l'effet. Quoi? Nouveau Snoop Dogg dans les enceintes. Quoi? Tu veux danser? Non, c'est pas la peine. Moi, je reste bien assis dans le sofa. Kiffer la vibe en levant les bras. Ramène les girls dans le VIP. Voulez-vous coucher avec? Oh, je vous en prie. Vas-y, balance-toi de gauche à droite. J'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite. Sonic, Pio, Pichard. Balance, balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance, balance-toi. Oh, baby, go. Festival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Wayne. Effectivement, vous voulez vivre l'ambiance club discothèque, vous branchez sur www.station-minium.com ou alors Estival sur le 107.4 tout simplement, et vous vivez l'ambiance comme ça de la discothèque Le Wine. Donc vous savez si c'est bien ou pas bien, vous pouvez venir, souvent c'est génial, c'est ça qui est énorme dans la radio, c'est qu'on vous fait vivre cette ambiance. La suite du programme, Léna. 3, 2, 1, non, mais c'est bon, elle. Je suis là. La suite du programme, c'est le sein du jour. Ah oui? Oui. Alors, en quoi consiste cette rubrique? Parce que je sais que vous êtes nombreux à nous retrouver sur la côte de Granit Rose et vous vous demandez, mais c'est quoi ce sein du jour? Alors, c'est un prénom à souhaiter. Ah. Bah oui. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque le prénom, je ne le connaissais pas. D'accord. Donc, bon, on va s'amuser à essayer d'en appeler un. Alors, c'est toi, tu le connais pas. Je crois que c'est la Sainte Transformation, un truc comme ça. Bon, on va voir. Dites pas trop. Mais non, mais ça, trop. C'est pas le prénom, mais c'est la fête d'aujourd'hui. C'est la fête de la transformation. Non, je sais plus quoi. C'est quoi, tu sais plus. J'ai regardé la météo hier soir. Kill West et DJ Delicious, Sam Man. DJ Kill West à l'instant, Sam Man sur l'antenne. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Vous y êtes ? Est-ce que vous êtes dans l'été ? Oui, j'imagine bien que oui. Et pour vous accompagner dans cet été, il y a le portable SMS pour nous envoyer des textos. Vous pouvez nous joindre, c'est interactif, 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Et on a eu des gagnants déjà pour le jeu, puisque le jeu qu'on a fait donc vendredi, qui consistait à gagner quand même 48 huîtres, une place de ciné, également un repas offert par Le Presto, notre partenaire sandwicherie, saladerie, qui est place du centre. Voilà, la suite, c'est avec Léna dans les studios, elle va vous parler du saint du jour. Elle adore ça, c'est le saint du jour. Top. Saint du jour, un saint à l'honneur. Alors aujourd'hui nous allons fêter la fête à Ozone. Ozone Non, Ozone, A-U-S-O-N-E. Il chantait quoi, Ozone, déjà? Pardon? Il chantait quoi, Ozone? Ça, je sais pas le dire. Ah, t'arriverais plus à chanter, c'était du roumain, non? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Oui. Ça parlait d'olive, ça parlait de la fleur d'olivier, et ça parlait d'hirondelle et des trucs comme ça. Sebastik, Inchubojnik, Asembestik. Et là, c'est leur fête. Donc ça sera peut-être un retour gagnant. Hey, Touba Dubaï, yeah. Touba Dubaï, yeah. Touba Dubaï, Dubaï, yeah. Je m'en rappelle, vas-y. Alors, c'est leur fête. Ouais. Non, c'est la fête d'Ozone. A-U-S-O-N-E. Touba Dubaï. Non, c'est pas leur fête. Eux, c'était O-Z-O-N-E, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas du tout ça. D'accord. Donc l'atout du prénom d'Ozone, du moins. Modeste, grand discernement et esprit d'analyse. Et les faiblesses de ce prénom, c'est effacer, crainte de l'imprévu, de la monotonie dans votre vie et un complexe d'infériorité. D'accord, et au niveau de la couche? La couche. D'Ozone? Ouais, ça passe bien. Alors là, franchement. Ah, on rigole. Avec Nelly Furtado, Say It Right. Mais il faut dire, je n'en connais pas, moi, des Ozone. Bah, moi non plus. Il va falloir en appeler un, puisqu'on fait le canular juste après la chanson. Bah, bon courage. Hey. Furtado, Say Track sur l'antenne. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et c'est reparti, vous êtes au cœur de l'été avec Léna, avec Jack qui vous accompagne. On sait qu'on est en train de faire actuellement le sein du jour, ça on le sait, c'est la chronique, la summer chronique qu'on aime bien suivre, comme ça c'est un prénom à l'honneur. Et aujourd'hui c'est un double prénom il me semble, hein, Léna, c'est ça que tu voulais, t'as voulu me dire tout à l'heure? Non, en fait, oui, en fait aujourd'hui c'est la Saint-Ozone et la Saint-Juste en fait, si tu veux. Saint-Juste. Saint-Juste aussi. Mais je me disais qu'Ozone pouvait te compliquer un peu l'affaire et ça avait... Faut appeler un Ozone d'ici peu. Voilà, c'est ça, c'est mieux que d'appeler un Juste. Ouais. Donc voilà, et je voulais dire tout à l'heure, j'avais parlé de une fête, donc aujourd'hui Transfiguration. C'est, voilà, c'est la Transfiguration et non la Transformation, excusez-moi. Et donc en fait c'est un épisode de la vie de Jésus-Christ. Elle aurait été un changement d'apparence corporelle donc, du Christ pendant sa vie sur Terre. Et donc c'est une métamorphose révélant sa nature divine. Donc voilà pour la petite info. Il s'est transformé en quoi alors? De la transfiguration. Il s'est transformé en quoi? Il y a une espèce de tableau là. Il est dessiné comment? Normal. Il est dessiné normal? Bah alors comment on sait il a été transfiguré? Bon, on va voir ça plus en détail. Il a été dans un corps humain. Ah, il a été dans un corps humain, d'accord. Ok, super. La suite de la musique, Mika, Moto Blanco. Bonne transfiguration. Et puis, on appelle un Ozone d'ici quelques instants. VIP. Le Club VIP, c'est la suite avec son lot de bonne humeur, de surprises et également de choses apostrophantes. Et quand je dis choses, c'est bien sûr des chroniques à venir. Là, tout de suite, nous allons faire un point du côté de la météo, puisque la météo est bien chargée. Il y a, enfin, pas trop de nuages, j'espère. On va voir avec Léna qui va nous en parler. Elle connaît tout sur l'anticyclone, c'est quasiment son copain. Et les dépressions aussi, ah, malheureusement. Allons-y, c'est Léna, la météo. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été en direct de la radio. Oh, aujourd'hui, il ne fera pas aussi beau que ce week-end. Je suis désolée. Mes maillots de bain seront, du moins, moins sortis puisqu'il va le faire énormément de vent. Donc aujourd'hui, ça va être éclairci, nuages. Il fera 18 degrés et il y aura un vent modéré. La température... Voilà. Oh bah non, ça y est. La température de l'eau est à 16 degrés. Donc... Non mais notez pas mes boulettes. Oh. C'est pas vrai. Donc là, en fait, il y a Jack qui se lève, qui va noter l'heure à laquelle j'ai fait ma boulette. Vas-y. Je dis, vas-y, mais note ma boulette. Donc aujourd'hui, en fait, le temps sera très variable. Tap. Ça y est, ça remet pas. On a retrouvé le sourire de Jack. C'est excellent. Bon, ça y est, tu fais ton canular là. C'est bon? T'as fini? C'est pas marrant. En plus, tu me laisses comme ça à prendre. Allez, je veux pas. Moi, je m'en fous. La suite? Non, il n'y a pas de suite. Il va faire beau, il va pas faire beau. Mais je t'ai dit, il va faire variable. Ah, d'accord. Et au niveau des températures, j'ai c'est pas bon. Entendu. 18 degrés pour cet après-midi au maximum et la température de l'eau est de 16 degrés. Ah bah tant mieux. Et il y aura du vent. Ah ouais, il y aura du vent quand même. Oh oui. Une petite tramontagne. Oui, un mistral. C'est pas ici, je crois. Si. Il y aura un mistral aussi. Ah ouais, il y aura du mistral, d'accord. Ouais. Pour la musique, Fédé le Grand, put your hand up in the air for the fool. Radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Viens danser pour moi si tu es là pour ça. Je veux que c'est que tu me plais. Ce que je kiffe chez toi, c'est quand tu me laisses faire. Plus de temps à perdre, on a beaucoup à faire. M'as-tu compris? Est-ce que c'est clair? Si girl, tu es number one et c'est que tu me plais. Ce que je kiffe chez toi, c'est quand tu me laisses faire. Plus de temps à perdre, on a beaucoup à faire. M'as-tu compris? Est-ce que c'est clair? It's a mystery, mi doro, opo yo doro. Sexy girl, mi bali waka kondoro. I so many money, say be happy. Don't pay you, but you know happy. I'm so many nuku saibe abi. Don't pay you kote you no abi. Mi bali opo you doro. Make me kondoro. Sexy girl, me sing girl. Viens, viens danser pour moi. Si tu es là pour ça, je veux que tu sois ma number one lady. Viens, viens danser pour moi. Si tu es là pour ça, je veux que tu sois ma number one lady. Si tu aimes la musique, je veux te voir balancer. Petit à petit, on va pouvoir s'élancer sur la bonne cadence qui nous permet de danser. Igal, j'ai tout misé pour t'amuser. Si tu aimes la musique, je veux te voir balancer. Petit à petit, on va pouvoir s'élancer sur la bonne cadence qui nous permet de danser. Ma sexy lady, viens, viens danser pour moi. Si tu es là pour ça, je veux que tu sois ma number one lady. Danser pour moi, si tu es là pour ça, je veux que tu sois ma number one lady. Mais comme faut bosser na dansal, mais comme faut singer na dansal, yo comme faut danser na dansal, ça you wanna, you wanna dansal. Mais comme faut bosser na dansal, mais comme faut singer na dansal, yo comme faut danser na dansal. So you wanna, you wanna dance all. If you love me, come on and get me. Tell me where you know where me at day. Cause what you there make me crazy. Sexy girl, try to make me. If you love me, come on and get me. Tell me where you know where me at day. Cause what you there make me crazy. If you love me, try to make me. Viens, viens danser pour moi. Si tu es là pour ça, je veux que tu sois. À l'instant, c'était Neyman avec le titre Viens. Juste après, on va attaquer avec King que vous entendez. Mais avant, nous allons faire le canular quand même. Et Léna est dans les studios, va nous parler également de la suite du programme parce que aujourd'hui, c'est la Saint-Transfiguration. Club VIP. Ça se passe dans le Club VIP. Et Léna, tu voulais en parler un peu plus de cette Saint-Transfiguration? Oui, alors tu me demandais tout à l'heure pourquoi il se transfigurait. En fait, c'était si tu veux, Jésus est monté sur une montagne avec ses apôtres. Et en fait, il s'est métamorphosé. Il est devenu d'une blancheur. En fait, son visage a changé. Il est devenu d'une blancheur éclatante. D'accord. Et il y a des cadeaux à la Saint-Transfiguration? Non. Ah mince. Pourquoi tu veux des cadeaux? Je sais pas. Il y a qu'à Noël qu'on a des cadeaux. C'est une fête. Il y a à Pâques, on a du chocolat. Ah d'accord. Et à la Saint-Transfiguration, du fond de teint. Bah oui, oh. Pour pas trop voir la blancheur. Non. Bon, on va attaquer justement. Super fort, mais j'espère que t'es motivé pour ton canular. Mais justement, d'autant plus que ça a un petit rapport, puisque nous allons attaquer avec la couleur un peu de peau. On va attaquer un institut qui s'appelle Ozone, car aujourd'hui c'est la Saint-Just et également la Saint-Ozone. D'accord. C'est ça? Ouais, c'est juste Ozone. Juste Ozone. Donc on va appeler un Ozone aujourd'hui. Mmh. On va mettre en place la ligne pour le canular. Kin qui veut vraiment venir, mais elle viendra après le canular. Voilà, c'est bon? Ok. On y va. C'est bon? Oh, ça devrait aller, je pense. Ah. Tu as entendu du monde dans la ligne, non? Il y avait du monde dans la ligne téléphonique. On va retenter. Ah voilà, là il n'y a personne. Mm-hmm. Ce n'est rien. Ozone Beauté, bonjour. Bonjour, je suis bien au salon Beauté Ozone. C'est ça. Voilà. Je vous appelle à titre de renseignement. Donc moi c'est Francky Barrett. Je suis acteur actuellement donc de passage sur Lyon. Oui. Et pour un film, j'aurais besoin d'avoir une certaine teinte de peau. Ah, Est-ce que vous avez possibilité de faire des... De quoi ? Alors, soit il y a les UV. Pardon ? Alors, oui. Il y a deux possibilités pour foncer un peu votre peau. C'est exactement ça. Oui, alors vous avez deux solutions, soit de faire des UV. Ouais, c'est pas trop dangereux ? Non, absolument pas. D'accord. Et sinon, nous on a un procédé qui s'appelle le Tan Center. En fait, c'est une pulvérisation, c'est de l'auto-bronzant en fait, en gros. D'accord. Et ça va être... ça va pas durer aussi longtemps quoi que les UV. Mais moi, c'est vraiment à titre... c'est temporaire, hein, c'est pour un tournage. Parce oui. que là, je dois partir en Jamaïque. Mm-hmm. Et j'ai pas envie, si vous voulez, d'avoir l'air blanc en arrivant là-bas, parce que le titre du tournage... Il faut savoir que l'auto-bronzant, ça a une durée de... Ça va durer 4-5 jours, alors que les UV, c'est à long terme, quoi. Ouais, bien c'est sûr. Comme si vous bronziez au soleil. Mais bon, en fait, les résultats des UV vont se faire plus longtemps que l'auto-bronzant, c'est radical. Je veux dire, vous allez ressortir déjà avec un hâle beaucoup plus mat. Et du coup, que les UV, faut en faire plusieurs fois. Bah, éventuellement, c'est ce que je vais faire. Je vais passer éventuellement prendre un rendez-vous. Comme ça, juste avant de prendre mon avion, je ferai le... Vous partez quand ? Là, incessamment, dans une semaine. Oui, alors écoutez... Je vais passer parce que je veux voir un petit peu sur catalogue. Là, c'était à titre informatif, mais... D'accord, écoutez... Je veux voir le produit parce que, bon... D'accord, je montrerai tout ça. Je suis assez sensible de la peau, par contre. Oui, d'accord, non, ça pose pas de problème. Hein. Ouais, je fais des boutons facilement. Non, mais je pense que ça devrait aller. De toute façon, vous passez, puis je regarderai un petit peu vos types de peau. Et on peut cumuler les deux ? Je veux dire, UV, auto-bronzant... Oui, on peut faire les UV, l'auto-bronzant. Ouais. Parce que moi, je presse limite à avoir l'air un peu noir. Ah ouais, d'accord. D'ici une semaine, hein, c'est ça. Dans une semaine, ouais. Une semaine. Bah, écoutez, en fait, les UV aussi, c'est bien parce que vous partez donc à l'étranger. Donc, les UV, c'est bien, ça va préparer votre peau, en fait. Hein. En voilà. plus. Au soleil, hein. Donc vous serez beaucoup moins réactif arrivé là-bas en fait. Hein. Bon bah d'accord, Francky Barrett, bah je vais passer. Ok. Au revoir. Au revoir. Hop, très sympathique. Bah oui. Comme toujours, dans les canulars, les gens sont toujours très sympathiques. Mais bon, j'avais pas trop d'idées sur le canular, je me suis dit couleur de peau, je veux presque avoir l'air noir. Et puis voilà ce qu'on nous a conseillé. La musique, c'est avec Keane, Bed and Break. Excellente écoute, c'est Estival que vous écoutez. C'est également la web radio www.station-millenium.com. Vous pouvez taper Estival FM. Meet me in the morning, then. Club VIP, l'émission la plus privée de la FM. L'émission la plus privée de la FM, c'est ici que ça se passe avec Léna. Tu vas bien, Léna? La forme? Ça va. Quand même. Alors, la suite du programme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Puisque toi, tu as un peu comme ça les cartes en main. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est le Dance Machine. Le Dance Machine du jour, avec son lot de surprises. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Dance Machine, ça se passe comment? Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui ne connaissent pas. C'est vrai? Ouais. Donc, je récupère les vieilles compiles de Dance Machine et j'en choisis une et puis je vous la fais revivre. C'est des revivals un peu, voilà. En quelque sorte. Ah, oh, ça fait plaisir. Bah ouais. Et là, t'as déjà le nom de l'artiste. J'ai un bon là aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est sympa. On va s'écouter ça, donc on va replonger dans les années 90 avec toi, l'Eurodance. Voilà. C'est excellent. 95 aujourd'hui. 95, comme le super, alors ça va être super. Oui, et ça va être sans plomb. Alex Godino pour la musique, on va partir Destination Unknown. Where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known. We'll be right back. Alex Godino avec Destination Calabria. Destination en on sur antenne. Avec ces titres, vous plongez au cœur de l'été, y a pas photo. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et vous y êtes avec Léna dans les studios. Léna, ça va? Comment vas-tu? Je vais très bien. Ça va la forme? Oui, ça va. Tu as de belles couleurs estivales. C'est vrai? Oui. Je suis tout en orange aujourd'hui. Ah bah oui, et puis sur le visage aussi, t'as eu des... Mais oui, mais c'est ce week-end, je suis allée dans un parc, c'était super sympa. D'accord. J'ai fait du sport, j'ai nagé, c'était bien. Ah bah ça se voit. La suite, c'est le Dance Machine du jour avec toi. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors aujourd'hui on va parler de Sister Queen, donc tu t'en souviens? Let me be your drag queen. Donc c'est un quator formé de Allison, Felicidad, Tonya et Yas. Donc ce groupe est composé de drag queens et... Il a sorti deux titres de dance, donc Let Me Be Your Drag Queen en 95, qui a culminé à la 9e place dans le top 50 en France. C'est pas mal déjà. Hein. Et Saturday, donc Everyman a Queen en 96, qui n'a pas dépassé la 43e place. Bon, c'était un peu moins bien. On le connaît pas celui-là. Voilà, en 96, un album sort au Japon. Il est simplement intitulé The Album. Il contient 10 titres et 7 remixes. Donc en 97, un titre qui n'est jamais sorti en single apparaît sur une compilation Dance Mania. Il s'agit de Cyber Queen. Ah oui? Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Bah non, j'imagine. Mais j'ai cherché, mais je n'ai pas tout à fait trouvé. Ils sont restés dans la veine des Queens. Voilà, ou alors il faut aller au Japon. Oui, pourquoi pas. Bah oui, c'est pas mal. Donc voilà, on retrouve Let Me Be Your Drag Queen. Alors, tu veux bien nous le mettre hein? Oui, pas de problème, je branche le phonographe. Allez, vas-y. Vous allez entendre les crépitements. Sister Queen, Let Me Be Your Drag Queen. Play ball. club VIP. DJ Pony, Miss O'Honey, come on, get the vibe. À l'instant, c'était DJ Pony, Miss So Horny sur l'antenne. Avec le club VIP, plonge dans l'été. On plonge dans l'été avec Johan également dans, à la radio qui est là quand même. Johan, vous avez pu retrouver dans Destination Bien-être Live. Ça va? Bah oui, ça va. Puis c'est jeudi. Jeudi à partir 15h, bah, je fais un petit coucou quand même à la radio. Tu vas voir Céline. Bah bien sûr, attends, je vais pas louper ça. Jeudi prochain, tu fais l'émission en live avec nous sur la plage. Bah, une partie du moins. Ouais, je sens qu'on a la vedette de la présentatrice vedette de l'émission de la plage. Je tiens quand même à dire que c'est une spéciale sport, donc à tous les athlètes, même les non-athlètes, pas de problème, on accueille bras ouverts et avec des bons conseils. Il y aura pas mal de défis aussi, et puis bon, qui dit des beaux lives, bah, dit aussi énormément de cadeaux, donc surtout, faut pas hésiter à passer, parce que là, ça va être assez chaud même. Waouh! Et ben vous allez voir une animatrice à 200 km/h, là j'ai l'impression 228, on t'a calculé la puissance de tes mots, là c'était énorme. En vrai je me suis calmée. Le numéro SMS 0622 69 18 19, si vous voulez nous joindre, tout simplement. Et puis comme tu es là, bah, tu auras la chance d'ici peu, si tu restes 5 minutes, d'écouter les news insolites. Ah, il y a eu des news. Bah c'est des news comme ça qui viennent de partout dans le monde et puis qui tombent sur les telex de la radio. Ah bah oui, ok, je reste. Et on en a vu des pas mal. Pour la musique, je te propose un mojo avec Lady. C'est parti. Ouais, t'aimes bien? Oh ouais, c'est j'adore. Le son de l'été 2007. Non, c'est relax. Ouais, c'était 2001 celui-là. Ah, tout de suite pour la suite, c'est sur le 107.4 que vous écoutez cette fréquence et ça pulse toujours autant. Hein. Mojo Lady à l'instant Club sur antenne. VIP. C'est le Club VIP qui continue. Et je vous l'ai dit, alors on va retrouver donc Léna dans les studios. Elle est là. Léna, où es-tu? Léna. Nous t'avons. Oui. Voilà. Tu vas bien? Oui, ça va, et toi? L'été se passe bien? Très très bien. Bon, dans cette folle ambiance, avec aujourd'hui, pour nous accompagner pour les news insolites, un public quand même qui est là, le public enflammé. J'aime bien quand il y a plein de monde dans le studio, ça montre combien il fait beau dans ce studio de radio et combien l'ambiance est chaleureuse. Vous pouvez également intervenir au 0622 69 18 19 pour un peu participer à cette ambiance. Il y a également un messenger, je crois, pour nous joindre. Oui, donc c'est radio.estivales@hotmail.fr. T'as des amis pour l'instant? Non. T'as aucun ami? Alors je... Mais ça va arriver, ça va lance, arriver. Donc je lance une invitation quand même à nos auditeurs. Devenez l'amie de Léna parce que elle est toute seule. Hop, hop, hop. Elle est donc en manque d'amis. Alors, c'est quoi le messenger de la radio? C'est radio.estivales@hotmail.fr. Voilà, vous pouvez communiquer tout simplement avec nous par ce biais. C'est beau quand même. Bah oui. On va retrouver le journal de la rédaction, qui est un journal très, très, très, très documenté. Mm-hmm. Avec les news insolites. Voilà, les news insolites. Également le programme Destination Bien-être, Capar Mort. Et puis comme ils sont là, ils viendront faire un petit point eux-mêmes pour expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir au moment voulu, au moment clé de cette émission. On fait comme ça? On fait comme ça. Alors je lance tout simplement l'indicatif sonore du journal. Il y a une bonne ambiance hein, dans la radio. Le journal va être bon, je pense. Voilà, le journal est là. Alors, il faut savoir qu'il y a des news insolites. Ça se passe comment ça se passe bien, les news insolites? Apparemment. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Je vais essayer de reprendre celles que je vous ai données en début de journée parce qu'elles étaient importantes. Vas-y. On y va? C'est parti. Je les vois pas, en fait. C'est pour ça. Elles sont pas tout à fait tombées encore. Si tu pouvais les faire tomber. Voilà. Ah, voilà. Voilà. J'en ai une nouvelle news insolite qui est tombée quand t'as fait ça, je te promets. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, au sommaire, quand panda mécontent, panda irascible. Et on prend la news, champion du monde du craché de bigorneau de père en fils. Quand panda mécontent, panda irascible, à Pékin, mécontent des pousses de bambou offertes sur sa pitance, le nouveau pensionnaire de l'enclos des pandas du zoo de Lazhou, dans le nord-ouest de la Chine, a piqué une colère et a envoyé à l'hôpital son gardien, mordu et griffé aux bras et aux jambes. Donc il avait pas aimé tellement ce qu'il y avait sur son assiette, sur son écuelle finalement, c'est un bambou, et il a violenté son gardien, tu te rends compte? Mm-hmm. Il faut vraiment pas avoir de panda chez soi. Hein. Champion du monde du craché de bigorneau de père en fils. Ça se passe à Roscoff, donc c'est près d'ici. Ah oui, c'est pas loin. Eh oui. Le champion du monde de craché de bigorneau, Alain Joudrin, a conservé son titre dimanche à Mauguerriac, vous y étiez peut-être, pour voir donc ce championnat du monde de bigorneau. Donc c'est près de Roscoff. Il a fait quand même un jet à 10m21, tandis que son fils assurait la relève dans la catégorie adolescent. Donc, dans la famille Joudrin, je voudrais le lanceur de bigorneau, le pourfendeur d'huîtres, et puis qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans cette famille aussi? Les palourdes, ouais, bien sûr. En tout cas, félicitations à lui. Et dans la catégorie estivale, Capar-Mort et spécialiste du sport, nous avons Léna. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez un tournoi de beach ball, donc de 14h30 à 16h à Trestraou. Vous avez l'acrobranche aussi de 14h à 18h. Pour la soirée, c'est du kayak de 17h30 à 19h30. Et ce soir, c'est la soirée foot, donc un tournoi pour les moins de 14 de 17h à 20h. Et un tournoi pour les plus de 14 de 20h à 23h. Et c'est à Yves Le Janoux. Oui. Une petite question. Il y a donc Johan qui est dans les studios bien sympathiquement. Bah oui, parce que je viens d'écouter le programme parce que grâce quand même à toi, je vais pouvoir organiser ma journée. Et donc le beach ball, est-ce que c'est pareil que le volleyball? Oui, sauf que c'est sur la plage en fait. D'accord, et ça joue aussi par rapport au nombre de joueurs, non? Parce que je vois que dimanche, parce que j'ai un petit peu lu le programme, c'est marqué sur le programme volleyball. Donc il y a beach ball et volleyball. Est-ce que la différence c'est par rapport au nombre de joueurs qu'il y a? Je peux pas te dire. Ils sont deux, je crois, beach ball. En fait, ball. Et volleyball, ils sont trois? Ouais. Il me semble. De toute façon, on va demander à l'équipe Capar-Mort cet après-midi, puisque je serai. Ah ouais, tu seras sur voir, la plage. Bah, oui, j'irai les voir cet après-midi. Plus question de te faire piéger, parce qu'elle est maligne, là, Johan. Hein. Ah, mais je sais. Mais j'allais. Ah mais ta réponse franchement c'est nickel. Comme ça moi je sais que c'est avec le volleyball, c'est avec les mains où on fait bien. Quand on tire on va avoir bien mal aux mains. Mais bon c'est pas grave, j'irai quand même. Bah le beach ball c'est pareil. On a mal aux mains aussi. Voilà, c'est pour les petits tours des activités sportives. Et au niveau destination bien-être, alors, ça se passe comment? Aujourd'hui, c'est, donc, un c'est la promotion santé, hein, faut rappeler. Donc aujourd'hui, c'est un petit déjeuner équilibré à Trestignel, donc qui vous attend. D'accord. Voilà. Un petit déjeuner en plein après-midi, c'est cocasse. Bah oui, mais bon, un petit déjeuner, c'est essentiel. C'est le repas le plus important de ta journée. D'accord, et on va demander très rapidement, parce que Joanne a été animatrice bien-être quand même pendant quelques temps. C'est quoi un bon petit déjeuner? Un bon petit déjeuner, c'est un produit laitier, un produit céréalier et aussi un fruit et, ou un jus d'orange. Enfin, soit c'est en jus d'orange ou alors c'est à croquer. Et puis un petit air de disco en plus dans les oreilles. Alors là, vous avez le petit déjeuner idéal. Teki Latex Disco Dance With You. All I wanna do is disco dance with you, baby. All I wanna do is disco dance with you. Forever, your love is on my mind. Your body, so sexy. Girl, you're one of a kind. So tell me, you need me. Be careful if it's true. I might just come along and disco dance with you. Come on now. All I wanna do is disco dance with you. All I wanna do is disco dance with you. All I really, really, really wanna do is disco, disco, disco, disco. For you getting stronger, I wanna dance with you until the end of the summer. So put on your platform shoes and let's not wait any longer. I wanna disco dance and play the part of your lover. All I wanna do is disco dance with you. All I wanna do is disco dance with you. All I really, really, really wanna do is disco, disco, disco, disco. That's right. Yeah. Disco, disco dance. We can do it. Don't you think it? Put your worries in the ball and just kick it. Ring ding a ding a ding a ding dong. Hey, Mr. DJ, won't you play my song? We can do it. I can feel it. Love is a glass of wine and I can drink it. I've been waiting for this for so long. Mr. DJ, please play my song. All I want. Disco dance with you. All I wanna do is disco dance with you. All I really, really, really wanna do is disco, disco, disco, disco dance with you. Che la mia anima e il mio corpo fanno un solo, un solo. Tutto quello che voglio fare è disco dance con te. Tutto quello che voglio fare è disco dance con te. All I wanna do is disco dance with you. Dance with you, disco dance. Tequila Tex, Disco Dance With You. Avec le club VIP, plonge dans l'été. La suite, eh bien, on va retrouver Léna qui va s'élancer pour le TV Scope. Le TV Scope, évidemment, c'est comment ne pas regarder la télé et puis écouter la radio, puisqu'on vous fait une restitution de tout ce qui se passe au niveau de la télé. Il y aura également la série radiophonique du jour, on la lance aujourd'hui. C'est, la série s'appelle tout simplement Kiss Kiss Forever, vous allez entendre le premier épisode. Léna, tu vas nous parler TV Scope également? Oui. C'est maintenant? Ah, si tu veux. Ouais, ça se passe maintenant alors. Ça se passe maintenant. On y va? C'est parti. Let's go. Le TV Scope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Alors, j'ai trouvé un jeu qui date de 2004. Donc, c'est un peu vieux, mais il était sympa. Donc, c'est Make Me a Perfect Wife. Donc, en fait, c'est en Grande-Bretagne. Si vous voulez, il y a une étude qui... Il y a une étude qui a été demandée, en fait. Et donc, c'est Channel 4 qui a proposé à 5 femmes actives de mettre de côté leur carrière professionnelle. Donc, elles étaient cadres. Pour devenir des femmes au foyer, modèles. Des années 50, donc entièrement soumises à leur homme. Ça fait penser à Desperate Housewives. Donc le pire, c'est qu'il y a eu des volontaires et que cette étude... Pourquoi le pire? Bah attends, tu quittes ta vie... Pour... Ah, du moins, c'est des femmes du moins, qui sont cadres, donc qui du jour au lendemain, pour un mois, je crois que c'était ça, sont devenues des Conchita et autres. Attends, c'est vrai, non? Comment tu vois une gentille femme des années 50? Alors là, attends, c'est la difficile. Ménagère de base. Faut pas dire ça, il n'y a pas de ménagère de base déjà. Si, c'est ça la ménagère pas. De base. Ça n'existe pas. Mais voilà. Donc j'ai pas réussi à trouver, j'aurais bien voulu trouver quand même des trucs dessus. Du son, mais il n'y a pas eu. Du son, il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas de son. Mais c'était en noir et blanc ou quoi? Non, c'est vraiment... En couleur et tout. D'accord. C'est une étude sociologique et psychologique. Sympa. Ouais. J'appelle dans cette émission pour la suite notre chroniqueur sportif parce que... Avec le club VIP, plonge dans l'été. On plonge dans le sport avec Thomas. Thomas qui va nous parler actualité sportive. Et on va appeler aussi également Erwan, animateur vedette de Capar Mort, pour savoir ce que c'est que le beach... Le beach quoi? Le beach ball. Puisqu'il y a une polémique sur le beach ball. Qu'est-ce que c'est comme sport? On n'est pas d'accord ici dans le studio. On y va alors avec Thomas qui va nous parler sport, lui. Quant ouais. à lui. Voilà. Je commence par le football, puisque ce week-end, c'était la première journée de la Ligue 1. Ah, cool. Donc, les résultats en détail. Donc, Strasbourg-Marseille, match nul 0-0. Caen-Nice, donc victoire de Caen, pardon, 1-0. Ouais. Match nul entre PSG et Sochaux, 0-0. Également entre Monaco et Saint-Etienne, 1 partout. Ouais. Victoire de Bordeaux, 1-0 contre Lens. Défaite de Rennes contre Nancy, 2-0. Oh. Ouais, dommage. Défaite de Rennes. Ouais. Oh là là. Match nul entre Lille et Lorient. Ah. Victoire de Valenciennes 3-1 contre Toulouse. Victoire également de Le Mans contre Metz 1-0 et de Lyon contre Auxerre 2-0. Donc au classement, Valenciennes premier pour l'instant. Ah c'est cool, c'est eux, ah, c'est fini Lyon. A été détrôné par Valenciennes, excellent. C'est la première journée, Jack. Ah d'accord, faut pas s'enflammer. Voilà. Lyon est deuxième d'ailleurs, juste derrière. Troisième Nancy, et enfin dans le bas du classement, Toulouse 18e, Auxerre 19e et dernier Rennes. 20e. Et Guingamp? Guingamp c'est la Ligue 2. C'est... D'accord. Oui d'accord, c'est pas encore, ça a pas repris. Non, enfin si ça a repris, mais je veux dire... on sait pas, là c'est on la deuxième. C'est la troisième journée sera le week-end prochain d'accord. je pense. Ensuite en Formule 1, donc victoire de Lewis Hamilton sur le Grand Prix de Hongrie, devant Raikkonen. Hedfeld est 3ème et Alonso 4ème. Donc au classement, Hamilton est 1er avec 80 points. Alonso est 2ème avec 73 points. Juste derrière, Raikkonen avec 60 points. Mmh. Et Massa 4ème avec 59 points. Ah ouais, quand même. Voilà. Ensuite en Finlande, donc c'est victoire de Marcus Grönholm devant Hirvonen et Loeb. Et au classement, donc ça fait Grönholm 1er avec 75 points. Devant Loeb 62 points et Hirvonen à 57 points. Ok. Voilà. Ensuite en tennis, victoire de Andy Roddick au tournoi de Washington, 6-4-6 contre la révélation du tournoi, un américain John Isner. D'accord. Et aujourd'hui c'est le Master Series de Montréal. Donc tous les meilleurs sont réunis pour ce tournoi. Aujourd'hui, il y a Paul-Henri Mathieu qui défie Guillermo Cañas, premier tour. Et il y a également Sébastien Grosjean contre Mikhail Yuzny. Voilà. Et Clément s'est qualifié hier pour le deuxième tour en battant un invité Bester, un Canadien 7-6-6-2. Eh bien, tout ça, c'est bien parfait, c'est réjouissant. Merci Thomas. Voilà. Pour la suite, c'est Cassius avec le titre Rock Number One. Club VIP plonge dans l'été. L'été qui sent bon. L'été qui sent bon, tout simplement, la chaleur des décibels. Avec un instant Cassius et le titre, c'était Rock Number One. On retrouve Léna pour ses conseils Relax Reflex. D'ici quelques instants, on va lancer également le premier épisode de la série Kiss Kiss Forever, votre série radiophonique. Voici les conseils de Léna. Alors, j'ai acheté il n'y a pas longtemps un pull et je me suis aperçue qu'il piquait. Et donc, je trouve qu'il y a de plus en plus de pulls en fait, qu'on achète et qui piquent. Oh, c'est pas du tout agréable. Et en fait, le conseil que ma grand-mère m'a donné, c'est de le mettre au frigo. Vous rigolez, mais ça marche. De le mettre au frigo une nuit à deux, en fait. Et après, vous le mettez, ça fonctionne. Franchement, il m'a plus piqué. Mais oui, à deux nuits. Une à deux nuits. Ah. D'accord. Et ça fonctionne. Et alors, il est frais après? Bah, il est un peu frais, mais bon, il pique plus en fait pour la journée. Surtout faites-le en hiver. Mais non, mais ça marche super bien. C'est toujours pareil. Non, mais non, mais c'est un bon conseil, ça. Ça, c'est un bon conseil. Hein? Oui, je l'ai essayé. C'est ma grand-mère qui m'a dit de le faire et je l'ai fait et ça a fonctionné. Parce que Léna écoute sa grand-mère, c'est une chose. Bah oui, parce que ma grand-mère me donne des trucs et astuces de grand-mère, donc autant l'utiliser. Bah oui, la mamie, elle sert à donner des trucs et astuces, hein. Voilà. Oh là là, donc voilà, ça fonctionne, c'est vrai, je l'ai fait. On appelle Erwan pour savoir au niveau beach ball, parce que vous savez, à la radio, on a un dilemme. Qu'est-ce que c'est le beach ball? Est-ce que vous savez, auditeur? Si vous savez pas, eh ben, on va découvrir ensemble ce que c'est avec Erwan, qui est animateur sportif. S'il décroche. C'est pas sûr. Hein. Ah, il est peut-être en congé. Hein. Ah, répondeur. On va relancer. Sinon, vous pouvez entendre le... Super répondeur d'Erwan. Erwan, donc, animateur sportif sur la station. Et qui... parce qu'il y a une polémique. Qu'est-ce que c'est le beach ball? Pour les auditeurs, c'est très, très partagé. Pour nous, on pense que c'est un jeu avec des raquettes. Certains pensent ici que c'est un volet sur la plage. Normalement, Erwan a la bonne réponse. C'est un animateur professionnel sportif. Ah. Oh, il y a téléphone. Là, c'est le répondeur. Ah ouais. Tu veux lui laisser un message? Non, c'est rare. On ira. J'irai le voir cet après-midi. Oh, on va lui laisser un message. Ah, oh, vas-y. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Bonjour Erwan, c'est la radio Estivale FM, tu es en direct, donc c'était pour savoir ce que c'était le beach ball, ce sport de plage. On se demande ici à la radio, si tu peux nous rappeler, ça sera très gentil. Voilà, ciao, bye bye. Voilà, donc hop, et je pense qu'on l'aura d'ici la fin de l'émission. Ouais, il nous dira ce que c'est que le beach ball, c'est tout sûr. Simplement. Ah, il y a quelqu'un qui a une idée dans le studio, viens là Thomas. Ah non, ça n'a rien à voir, d'accord. Jamiroquai, le titre de la musique, c'est Runaway. On retrouve la série radiophonique. Vous aimez? Vous aimez les séries? Oui. On va découvrir le premier épisode de cette série radiophonique qui s'appelle Kiss Kiss Forever. C'est donc découverte sur l'antenne. We'll be right back. Fontaine, Jamiroquai pour la musique. Avec le club VIP, plonge dans l'été. La suite avec Léna, vous êtes avec Léna, donc avec Jack, c'est le club VIP. Vous êtes également sur la radio, c'est les ondes, le 107.4, c'est Estival. Et puis la web radio, c'est www.station-millenium.com. Vous pouvez également taper Estival FM sur un moteur de recherche bien connu qui commence par un G, qui finit par un E, et où il y a deux O. Ah oui, eh oui, tout simplement. Nous allons également jouer pour gagner combien d'huîtres ? 48 huîtres, une place de cinéma et un sandwich offert par ces Presto, c'est ça ? Notre partenaire le Presto, sandwicherie, place du centre, apéros grec. Et ils font même des bonnes moules frites apparemment. Faudrait qu'on aille y goûter quand même. Non, on aura à les goûter, pas de soucis. Bah ouais. Donc écoutez bien l'épisode car une question va vous être posée. Une question tirée de l'épisode du jour de la série radiophonique Kiss Kiss Forever. Oui. On y va, on lance cette grande série. Ça y est, elle commence. Une saga de 15 épisodes. Ça y est, on l'attendait tous. Coproduite par Estival FM. Des moyens techniques mis en place incroyables. Énorme. Non, mais on se demande où on a trouvé tout cet argent pour investir dans tous ces acteurs. Et bien voici la série radiophonique. Non, faut pas dire. Voici votre premier épisode. L'épisode 1, intitulé Le Réveil. Voici l'épisode 1 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé Le Réveil. Monsieur Forever, essayez d'ouvrir les yeux. Les yeux. Quoi ? C'est incroyable, il nous entend. Monsieur Forever, vous avez été 3 ans dans le coma. Ne faites pas trop d'efforts d'un coup. Mais qui êtes-vous ? Le docteur Norman Lover, de la clinique Saint-Valentin. C'est un miracle que vous reveniez à la vie. Comment ça ? Tout le monde vous a cru perdu. Votre femme a souhaité vous débrancher 3 fois pour que vous souffriez moins. Ma femme ? Vous ne vous souvenez pas ? Je me rappelle d'un chien que j'avais, une femme, non ? Le cerveau a subi des lésions fatales. Il se peut que certains souvenirs soient un peu effacés. Vous avez raison, je ne me rappelle même plus de mon prénom. Brian. Vous vous appelez Brian Forever. Pardon, comment je m'appelle ? Brian. Vous êtes sûr ? Je me rappelle de Steve, mais Brian, ça ne m'évoque rien du tout. Je vais vous transférer en clinique pour un retour à la vie normale dans un contexte post-traumatique. Ça va, monsieur Forever ? Non, je ne me rappelle de rien. Est-ce que vous avez une glace pour que je voie mon visage ? Ce n'est pas très prudent, monsieur. Une cigarette, alors ? Tenez. C'est dégueulasse. Vous avez arrêté de fumer il y a maintenant 10 ans. Et comment le savez-vous ? Vous avez écrit un best-seller il y a quelques années, en finir avec la cigarette en 3 semaines. J'écris des livres ? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Vous êtes aussi un acteur de cinéma, un grand acteur d'Hollywood. Acteur ? Non mais c'est une blague. Les choses vont revenir dans l'ordre des choses. Ne vous fatiguez pas. À chaque jour suffit sa peine. Ma peine est bien lourde aujourd'hui. Voilà, l'épisode 1, donc, on découvre Brian amnésique. C'était fantastique. Ah oui, demain, deuxième épisode. C'est vrai, ouais. Oh, j'ai hâte. Ah bah, tous les jours, il y aura son lot d'épisodes. Si vous avez bien retenu ce qui s'est dit dans l'épisode, eh bien, vous pouvez gagner 48 huîtres, une place de cinéma et également la bourriche. Wouh ! Et le sandwich. So Thumbsner à l'instant, My Home World. Club VIP. Et on va se quitter, mais avant de se quitter, on va faire un point sur le jeu pour vous faire gagner 48 huîtres, une place de cinéma également, des sandwichs offerts par notre partenaire Le Presso, le cinéma s'est offert par notre partenaire Les Baladins. Allez, on y va, c'est le Sun Game avec une question en rapport avec la série qu'on vient de vous diffuser à l'instant. Le Sun Game, Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors, dans ce Sun Game, nous avons une question sur la série qu'on vient de vous diffuser. Ça s'appelle Kiss Kiss Forever. Où il y a un personnage qui s'appelle Brian Forever. Mais, Léna, quelle est la question du jour ? Alors, la question c'est, avant d'être amnésique, quelle était la profession de Brian Forever ? Intéressant, ça. Bah ouais. Avant d'être amnésique, quelle était la profession de Brian Forever ? Est-ce qu'on donne trois propositions ? Vas-y, donne trois propositions. D'accord. Il y avait plombier. Ouais. D'accord. Grand acteur d'Hollywood. Ouais. Ok. Et le dernier, on va dire architecte. On y croit au dernier. Mais si, c'est architecte. Moi, je pense que c'est architecte. Mais j'ai du mal à lire mes notes. D'accord. Donc, si vous avez la bonne réponse... N'hésitez pas. Plombier, grand écrivain, du moins un grand acteur d'Hollywood et architecte. N'hésitez pas à nous textoter au 0622 69 18 19. Vous avez gagné dans ces cas-là les huîtres, un sandwich et une place de cinéma, tout simplement. 0622 69 18 19. On vous dit à très bientôt. Oui, à demain. Puisque l'émission touche à sa fin. Ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir.